Chapitre 12e, la promotion du coadjuteur au cardinal. Quand monsieur le prince sortait de cette assemblée, suivi d'une foule de ceux du peuple qui étaient à lui, je me trouvais tête pour tête devant son carrosse, assez près des cordeliers, avec la procession de la grande confrérie que je conduisais. Comme elle est composée de 30 ou 40 curés de Paris et qu'elle est toujours suivie de beaucoup de peuple, j'avais cru que je n'y avais pas besoin de mon escorte ordinaire, et j'avais même affecté de n'avoir auprès de moi que 5 ou 6 gentilshommes, qui étaient messieurs de Fosseuse, de Lamet, de Kérieux, de Chateaubriand, et les chevaliers du Mière et de Sévigné. 3 ou 4 de ceux de la populace qui suivaient monsieur le prince crièrent dès qu'ils me virent « Au Mazarin !» Monsieur le prince, qui avait, ce me semble, dans son carrosse, messieurs de La Rochefoucauld, de Rouen et de Gaucourt, en descendit aussitôt qu'il m'eut aperçu. Il fit taire ceux de sa suite qui avaient commencé à crier. Il se mit à genoux pour recevoir ma bénédiction. Je la lui donnai, le bonnet en tête, je l'ôtai aussitôt, et je lui fis une très profonde révérence. Cette aventure est, comme vous voyez, assez plaisante. En voici une autre qui ne le fut pas tant par l'événement, et c'est à mon sens celle qui m'a coûté ma fortune, et qui a failli à me coûter plusieurs fois la vie. La reine fut si transportée de joie des obstacles que monsieur le prince rencontrait dans ses desseins, et elle fut si satisfaite de l'honnêteté de mon procédé, que je pus dire avec vérité que je fus quelques jours en faveur. Elle ne pouvait assez témoigner à son gré à ceux qui l'approchaient la satisfaction qu'elle avait de moi. Madame la Palatine était persuadée qu'elle parlait du cœur. Madame de Lesdiguières me dit que madame de Beauvais, qui était assez de ses amis, l'avait assuré que je faisais chemin dans son esprit. Ce qui me le persuada plus que tout le reste fut que la reine, qui ne pouvait souffrir que l'on donnât la moindre atteinte à la conduite de monsieur le cardinal Mazarin, entra en raillerie et de bonne foi d'un mot que j'avais dit de lui. Barthet, je ne me souviens pas à propos de quoi, m'avait dit quelques jours auparavant que le pauvre monsieur le cardinal était quelquefois bien empêché, et je lui avais répondu « Donnez-moi le roi de mon côté 2 jours durant, et vous verrez si je le serai. » Il avait trouvé cette sottise assez plaisante, et comme il était lui-même fort badin, il ne s'était pu empêcher de la dire à la reine. Elle ne s'en fâcha nullement, et elle en rit de bon cœur. Et cette circonstance, sur laquelle madame de Chevreuse, qui connaissait parfaitement la reine, fit beaucoup de réflexions, jointe à une parole qui lui fut rapportée par madame de Lesdiguières, lui fit naître une pensée que vous allez voir, après que je vous aurai rendu compte de cette parole. Madame de Carignan disait un jour, devant la reine, que j'étais fort laid, et c'était peut-être l'unique fois de sa vie où elle n'avait pas menti. La reine lui répondit « Il a des dents fort belles, et un homme n'est jamais laid avec cela. » Madame de Chevreuse, ayant su ce discours par madame de Lesdiguières, à qui madame de Niel l'avait rapporté, se ressouvint de ce qu'elle avait ouï dire à la reine, en beaucoup d'occasions, que la seule beauté des hommes était les dents, parce que c'était l'unique qui fut d'usage. « Essayons, me dit-elle, un soir que je me promenais avec elle dans le jardin de l'hôtel de Chevreuse. Si vous voulez bien jouer votre personnage, je ne désespère de rien. Faites seulement le rêveur quand vous êtes auprès de la reine. Regardez continuellement ses mains, pestez contre le cardinal, laissez-moi faire du reste. » Nous concertâmes le détail, et nous le jouâmes juste comme nous l'avions concerté. Je demandai 2 ou 3 audiences de suite à la reine à propos de rien. Je ne fournis dans ces audiences à la conversation que ce qui était bon pour l'obliger à chercher le sujet pour lequel je les lui avais demandé. Je suivis de point en point les avis de madame de Chevreuse. Je poussai l'inquiétude et l'emportement contre le cardinal jusqu'à l'extravagance. La reine, qui était naturellement très coquette, entendait les airs. Elle en parla à madame de Chevreuse, qui fit la surprise et l'étonnée, mais qui ne la fit qu'autant qu'il le fallut pour mieux jouer son jeu, en faisant semblant de revenir de loin et de faire, à cause de ce que la reine lui en disait, une réflexion à laquelle elle n'aurait jamais pensé sans cela, sur ce qu'elle avait remarqué en arrivant à Paris de mes emportements contre le cardinal. « Il est vrai, madame, disait-elle à la reine, que votre majesté me fait ressouvenir de certaines circonstances qui se rapportent assez à ce que vous me dites. Le coadjuteur me parlait, des journées entières, de toute la vie passée de votre majesté, avec une curiosité qui me surprenait, parce qu'il entrait même dans le détail de 1000 choses qui n'avaient aucun rapport au temps présent. Ses conversations étaient les plus douces du monde tant qu'il ne s'agissait que de vous. Il n'était plus le même homme s'il arrivait que l'on nommât par hasard le nom de monsieur le cardinal. Il disait même des rages de votre majesté, et puis tout d'un coup il se radoucissait, mais jamais pour monsieur le cardinal. Mais, à propos, il faut que je rappelle dans ma mémoire la manie qui lui monta un jour à la tête contre Buckingham. Je ne m'en ressouviens pas précisément. Il ne pouvait souffrir que je dise qu'il était fort honnête homme, ce qui m'a toujours empêché de faire réflexion sur mille et mille choses de cette nature que je vois d'une vue et l'attachement qu'il a pour ma fille. Ce n'est pas que, dans le fond, cet attachement soit si grand que l'on croit. Je voudrais bien que la pauvre créature n'en eût pas plus pour lui qu'il en a pour elle. Sur le tout, je ne me puis imaginer, madame, que le coadjuteur soit assez fou pour se mettre cette vision dans la fantaisie. Voilà l'une des conversations de madame de Chevreuse avec la reine. Il y en eut 20 ou 30 de cette nature, dans lesquelles il se trouva, à la fin, que la reine persuada à madame de Chevreuse que j'étais assez fou pour m'être mis cette vision dans l'esprit, et dans lesquelles, pareillement, madame de Chevreuse persuada la reine que je l'y avais effectivement beaucoup plus fortement qu'elle ne l'avait cru d'abord elle-même. Je ne m'oubliais pas de ma part. Je jouais bien, je passais, dans les conversations que j'avais avec la reine, de la rêverie à l'égarement. Je ne revenais de celui-ci que par des reprises, qui, en marquant un profond respect pour elle, marquaient toujours du chagrin et quelquefois de l'emportement contre monsieur le cardinal. Je ne m'aperçus pas que je me brouillais à la cour par cette conduite. Mais mademoiselle de Chevreuse, à laquelle madame sa mère avait jugé nécessaire de la faire agréer, pour la raison que vous verrez ci-après, prit en gré de la brouiller, au bout de 2 mois, par la plus grande et la plus signalée de toutes les imprudences. Je vous rendrai compte de ce détail après que je me serai satisfait moi-même sur une omission qu'il y a déjà assez longtemps que je me reproche dans cet ouvrage. Presque tout ce qui y est contenu n'est qu'un enchaînement de l'attachement que la reine avait pour monsieur le cardinal Mazarin, et il me semble que par cette raison je devais, même beaucoup plus tôt, vous en expliquer la nature, de laquelle je crois que vous pouvez juger plus sûrement, si je vous expose, au préalable, quelques événements de ces premières années, que je considère comme aussi clairs et aussi certains que ceux que j'ai vus moi-même, parce que je les tiens de madame de Chevreuse, qui a été la seule véritable confidente de sa jeunesse. Elle m'a dit plusieurs fois que la reine n'était espagnole ni d'esprit ni de corps, qu'elle n'avait ni le tempérament ni la vivacité de sa nation, qu'elle n'en tenait que la coquetterie, mais qu'elle l'avait au souverain degré, que M. de Bellegarde, vieux mais poli et galant à la mode de la cour d'Henri III, lui avait plu, qu'elle s'en était dégoûtée, parce qu'en prenant congé d'elle, lorsqu'il alla commander l'armée à La Rochelle, et lui ayant demandé, en général, la permission d'espérer d'elle une grâce avant son départ, il s'était réduit à la supplier de vouloir bien mettre la main sur la garde de son épée, qu'elle avait trouvé cette manière si sotte, qu'elle n'en avait jamais pu revenir, qu'elle avait agréé la galanterie de M. de Montmorency, beaucoup plus qu'elle n'avait aimé sa personne, que l'aversion qu'elle avait pour les manières de M. le cardinal de Richelieu, qui était aussi pédant en amour qu'il était honnête homme pour les autres choses, avait fait qu'elle n'avait jamais pu souffrir la sienne, que le seul homme qu'elle avait aimé avec passion avait été le duc de Buckingham, qu'elle lui avait donné rendez-vous, une nuit, dans le petit jardin du Louvre, que madame de Chevreuse, qui était seule avec elle, s'étant un peu éloignée, elle entendit du bruit comme de 2 personnes qui se luttaient, que, s'étant rapprochée de la reine, elle la trouva fort émue, et monsieur de Buckingham à genoux devant elle. Que la reine, qui s'était contentée, ce soir, de lui dire, en remontant dans son appartement, que tous les hommes étaient brutaux et insolents, lui avait commandé, le lendemain au matin, de demander à M. de Buckingham s'il était bien assuré qu'elle ne fût pas en danger d'être grosse, que, depuis cette aventure, elle, madame de Chevreuse, n'avait eu aucune lumière d'aucune galanterie de la reine, qu'elle lui avait vu, dès l'entrée de la régence, une grande pente pour M. le cardinal, mais qu'elle n'avait pu démêler jusqu'où cette pente l'avait portée, qu'il était vrai qu'elle avait été chassée de la cour sitôt après, qu'elle n'avait pas eu le temps d'y voir clair, quand même il y aurait eu quelque chose. Qu'à son retour en France, après le siège de Paris, la reine, dans les commencements, s'était tenue si couverte avec elle qu'elle n'avait pu y rien pénétrer, que depuis qu'elle s'y était raccoutumée, elle lui avait vu, dans des moments, de certains airs qui avaient beaucoup de ceux qu'elle avait eus autrefois avec Buckingham, quand d'autres, elle avait remarqué des circonstances qui lui faisaient juger qu'il n'y avait entre eux qu'une liaison intime d'esprit, que l'une des plus considérables était la manière dont le cardinal vivait avec elle, peu galante et même rude, ce qui toutefois, ajoutait Madame de Chevreuse, a deux faces, de l'humeur dont je connais la reine. Buckingham me disait autrefois qu'il avait aimé trois reines, qu'il avait été obligé de gourmer toutes trois. C'est pourquoi je ne sais qu'en juger. Voilà comme Madame de Chevreuse me parlait. Je reviens à ma narration. Vous avez vu que j'avais envoyé à Rome l'abbé Charrier, qui trouva la face de cette cour tout à fait changée, par la retraite, plutôt que par la disgrâce de la signora Olympia, belle-sœur du pape Innocent, qui s'était laissée toucher à des manières de réprimande que l'empereur, à l'instigation des jésuites, lui avait fait faire par son nonce à Vienne. Il ne voyait plus la signora, et il soulageait le cruel ennui que l'on a toujours cru qu'il en avait par des conversations assez fréquentes avec madame la princesse de Rossane, femme de son neveu, qui, quoique très spirituelle, n'approchait pas du génie de la signora, mais qui, en récompense, était beaucoup plus jeune et beaucoup plus belle. Elle s'acquit effectivement du pouvoir sur son esprit, et au point que la signora Olympia en eut une cruelle jalousie, qui, en donnant encore de nouvelles lumières à son esprit, déjà extrêmement éclairé et habile par lui-même, lui fit enfin trouver le moyen de ruiner sa belle-fille auprès du pape et de rentrer dans sa première faveur. Ma nomination tomba justement dans le temps où celle de madame la princesse de Rossane était la plus forte, et il parut, en cette occasion, que la fortune voulut réparer la perte que j'avais faite en la personne de Pensirolle. C'est le seul endroit de ma vie où je l'ai trouvé favorable. Je vous ai dit ailleurs les raisons pour lesquelles j'avais lieu de croire que madame la princesse de Rossane me le pourrait être, et sans comparaison davantage que la signora Olympia, qui ne faisait rien qu'à force d'argent, et vous croyez aisément qu'il n'eût pas été aisé de me résoudre à en donner pour un chapeau. L'abbé Charrier trouva à Rome tout ce que j'y avais espéré de madame de Rossane, et le premier avis qu'elle lui donna fut de se défier au dernier point de l'ambassadeur qu'il joignait aux ordres secrets que la cour lui avait donnés contre moi, la passion effrénée qu'il avait lui-même pour la pourpre. L'abbé Charrier profita très habilement de cet avis, car il joua toujours l'ambassadeur en lui témoignant une confiance abandonnée et en lui faisant voir, en même temps, la promotion très éloignée. La haine que le pape avait conservée depuis longtemps pour la personne de M. le cardinal Mazarin contribua à ce jeu, et l'intérêt de Monseigneur Chigi, secrétaire d'État, qui a été depuis le pape Alexandre VII, y concourut aussi avec beaucoup d'effet. Il était assuré du chapeau pour la première promotion, et il n'oublia rien de ce qui la pouvait avancer. Monseigneur Alzolini, qui était secrétaire des brefs et qui avait été attaché à Pensirolle, avait hérité de son mépris pour le cardinal et de sa bonne volonté pour moi. Ainsi, M. le bailli de Valençay fut amusé, et il ne fut même averti de la promotion qu'après qu'elle fut faite. Le pape Innocent m'a dit qu'il savait, de science certaine, qu'il avait dans sa poche la lettre du roi pour la révocation de ma nomination, avec ordre toutefois de ne pas la rendre que dans la dernière nécessité et à l'entrée du consistoire où les cardinaux seraient déclarés. Et l'abbé Charrier m'avait dépêché deux courriers pour me donner le même avis. Ce qui est constant est ce que j'ai su depuis par Champfleury, capitaine des gardes de M. le cardinal, qu'aussitôt qu'il reçut la nouvelle de ma promotion, qu'il apprit à Saumur, il lui commanda, à lui, Champfleury, d'aller chez la reine en diligence et de la conjurer de sa part de se contraindre et d'en faire paraître de la joie. Je ne puis m'empêcher, en cet endroit, de rendre honneur à la vérité et de faire justice à mon imprudence qui faillait me faire perdre le chapeau. Je m'imaginais, et très mal à propos, qu'il n'était pas de la dignité du poste où j'étais de l'attendre, et que ce petit délai de 3 ou 4 mois que Rome fut obligée de prendre pour régler une promotion de 16 sujets n'était pas conforme aux paroles qu'elle m'avait données ni aux recherches qu'elle m'avait faites. Je me fâchais, et j'écrivis une lettre offensive à l'abbé Charrier sur un ton qui n'était assurément ni du bon sens ni de la bienséance. C'est la pièce la plus passable, pour le style, de toutes celles que j'ai jamais faites. Je l'ai cherchée pour l'insérer ici, et je n'ai la pu trouver. La sagesse de l'abbé Charrier qui la supprima à Rome fit qu'elle me donna de l'honneur par l'événement, parce que tout ce qui est haut et audacieux est toujours justifié et même consacré par le succès. Il ne m'empêcha pas d'en avoir une véritable honte. Je la conserve encore, et il me semble que je répare, en quelque façon, ma faute en la publiant. Je reprends le fil de ma narration. J'éprouvais, en cette rencontre, que les plus habiles courtisans peuvent être de fort grosses dupes quand ils se fondent trop sur leurs conjectures. Celles que ces messieurs tirèrent de ma promotion au cardinalat furent que je n'avais obtenu le chapeau que par le moyen des grands engagements que j'avais pris avec la cour. Ils agirent sur ce principe. Ils me déchirèrent auprès de monsieur sur ce titre. Comme il en savait la vérité, il s'en moqua. Ils m'établirent dans son esprit au lieu de m'y perdre, parce qu'en fait de calomnie, tout ce qui ne nuit pas sert à celui qui est attaqué, et vous allez voir le piège que les attaquants se tendirent eux-mêmes en cette occasion. Je disais un jour à monsieur que je ne concevais pas comme il ne se lassait point de toutes les sottises qu'on lui disait tous les jours contre moi, sur le même ton, et il me répondit en ses propres termes « Ne comptez-vous pour rien le plaisir que l'on a à connaître, tous les matins, la méchanceté des gens couvertes du nom de zèle, et tous les soirs, leurs sottises déguisées en pénétration ?» Je dis à monsieur que je recevais cette parole avec respect, et comme une grande et belle leçon pour tous ceux qui avaient l'honneur d'approcher des grands princes. Ce que les serviteurs de monsieur le prince faisaient contre moi, parmi le peuple, faillit à me coûter plus cher. Ils avaient des criailleurs à gage, qui m'étaient plus incommodes en ce temps-là qu'ils ne l'avaient été auparavant, parce qu'ils n'osaient paraître devant la nombreuse suite de gentilshommes et de livrées qui m'accompagnaient. Comme je n'avais pas encore reçu le bonnet, que les cardinaux français ne prennent que de la main du roi, à qui le camérier du pape est dépêché pour cet effet, je ne pouvais plus marcher en public qu'incognito, selon les règles du cérémonial. Et ainsi, lorsque j'allais au Luxembourg, c'était toujours dans un carrosse gris et sans livrée, et je montais même dans le cabinet des livres par le petit degré qui répond dans la galerie afin d'éviter et le grand escalier et le grand appartement. Un jour que j'y étais avec monsieur, Bruno y entra tout effaré, pour m'avertir qu'il y avait dans la cour une assemblée de 200 ou 300 de ses créailleurs qui disaient que je trahissais monsieur et qu'il me tuerait. Monsieur me parut consterné de cette nouvelle. Je le remarquai, et l'exemple du maréchal de Clermont, assommé entre les bras du dauphin, qui, tout au plus, ne pouvait pas avoir eu plus de peur que j'envoyais à monsieur, me revenant dans l'esprit, je pris le parti que je crus le plus sûr, quoiqu'il parût le plus hasardeux, parce que je ne doutais point que la moindre apparence que son Altesse royale laisserait échapper à sa frayeur ne me fît assassiner, et parce que je doutais encore moins que l'appréhension de déplaire à ceux qui criaient contre le Mazarin, dont il redoutait le murmure jusqu'au ridicule, jointe à son naturel, qui craignait tout, ne lui en fit donner beaucoup plus qu'il n'en fallait pour me perdre. Je lui dis que je le suppliais de me laisser faire et qu'il verrait dans peu quel mépris l'on devait faire de ces canailles achetées à prix d'argent. Il m'offrit ses gardes, mais d'une manière à me faire connaître que je lui faisais fort bien ma cour de ne pas les accepter. Je descendis, quoique monsieur le maréchal d'Étampes se fût jeté à genoux devant moi pour m'en empêcher. Je descendis, dis-je, avec messieurs de Château-Renaud et d'Acqueville, qui étaient seuls avec moi, et j'allai droit à ces séditieux en leur demandant qui était leur chef. Un gueux d'entre eux, qui avait une vieille plume jaune à son chapeau, me répondit insolemment « C'est moi ». Je me tournai du côté de la rue de Tournon en disant « Garde de la porte, que l'on me pente ce coquin, c'est gris !» Il me fit une profonde révérence. Il me dit qu'il n'avait pas cru manquer au respect qu'il me devait, qu'il était venu seulement avec ses camarades pour me dire que le bruit courait, que je voulais mener monsieur à la cour et le raccommoder avec le Mazarin, qu'il ne le croyait pas, qu'ils étaient mes serviteurs et prêts à mourir pour mon service, pourvu que je leur promisse d'être toujours bon frondeur. Ils m'offrirent de m'accompagner, mais je n'avais pas besoin de cette escorte pour le voyage que j'avais résolu, comme vous l'allez voir. Il n'était pas au moins fort long, car madame de Lavergne, mère de madame de Lafayette et qui avait épousé en seconde noces le chevalier de Sévigné, logeait ou loge présentement madame sa fille. Cette madame de Lavergne était honnête femme dans le fond, mais intéressée au dernier point et plus susceptible de vanité pour toutes sortes d'intrigues, sans exception, que femme que j'ai jamais connue. Celle dans laquelle je lui proposais ce jour-là de me rendre de bons offices était d'une nature à effaroucher d'abord une prude. J'assaisonnai mon discours de tant de protestations de bonnes intentions et d'honnêteté qu'il ne fut pas rebuté, mais aussi ne fut-il reçu que sous les promesses solennelles que je fis de ne prétendre jamais qu'elle étendît les offices que je lui demandais au-delà de ceux que l'on peut rendre en conscience pour procurer une bonne, chaste, pure, simple et sainte amitié. Je m'engageai à tout ce que l'on voulut. L'on prit mes paroles pour bonnes, et l'on se sut même très bon gré d'avoir trouvé une occasion toute propre à rompre dans la suite le commerce que j'avais avec madame de Pomereux, que l'on ne croyait pas si innocent. Celui dans lequel je demandais que l'on me servît ne devait être que tout spirituel et tout angélique. car c'était celui de Mademoiselle de la Loupe, que vous avez vu depuis sous le nom de Madame d'Olonne. Elle m'avait fort plu quelques jours auparavant, dans une petite assemblée qui s'était faite dans le cabinet de Madame. Elle était jolie, elle était précieuse par son air et par sa modestie. Elle logeait tout proche de Madame de Lavergne. Elle était amie intime de Mademoiselle sa fille. Elle avait même percé une porte par laquelle elle se voyait sans sortir du logis. L'attachement que Monsieur le Chevalier de Sévigné avait pour moi, l'habitude que j'avais dans sa maison, ce que je savais de l'adresse de sa femme, contribuèrent beaucoup à mes espérances. Elles se trouvèrent fort vaines par l'événement, car bien que l'on ne m'arrachât pas les yeux, bien que l'on ne m'étouffât pas à force de m'interdire les soupirs, bien que je m'aperçusse à de certains airs que l'on n'était pas fâché de voir la pourpre soumise, toute armée et toute éclatante qu'elle était, l'on se tint toujours sur un pied de sévérité, ou plutôt de modestie, qui me lie à la langue, quoiqu'elle fût assez libertine, et qui doit étonner ceux qui n'ont point connu Mademoiselle de la Loupe et qui n'ont ouï parler que de Madame d'Olonne. Cette historiette, comme vous voyez, n'est pas trop à l'honneur de ma galanterie. La vérité me force de vous dire qu'aussitôt que je fus cardinal, je fus touché des inconvénients de la pourpre, parce que j'avais fait peut-être plus de 1000 fois en ma vie réflexion que je l'avais trop pété de l'éclat de la coadjutoterie. Une des sources de l'abus que les hommes font presque toujours de leur dignité est qu'ils s'en éblouissent d'abord, qu'ils en sont revêtus, et l'éblouissement est cause qu'ils tombent dans les premières fautes qui sont les plus dangereuses par une infinité de raisons. La hauteur que j'avais affectée dès que je fus coadjuteur me réussit, parce qu'il me parut que la bassesse de mon oncle l'avait rendue nécessaire. Mais je connus clairement que sans cette considération, et même sans les autres assaisonnements que la qualité des temps, plutôt que mon adresse, me donna lieu d'y mettre, je connus, dis-je, clairement qu'elle n'eût pas été d'un bon sens, ou au moins qu'elle ne lui eût pas été attribuée. Les réflexions que j'avais le temps de faire sur cela m'obligèrent à y avoir une attention particulière à l'égard du chapeau, dont la couleur vive et éclatante fait tourner la tête à la plupart de ceux qui en sont honorés. La plus sensible, à mon opinion, et la plus palpable de ces illusions, est la prétention de précéder les princes du sang, qui peuvent devenir nos maîtres à tous les instants, et qui, en attendant, le sont presque toujours, par leur considération, de tous nos proches. J'ai de la reconnaissance pour les cardinaux de ma maison, qui m'ont fait sucer avec le lait cette leçon par leur exemple, et je trouvais une occasion assez heureuse de la débiter le propre jour que je reçus la nouvelle de ma promotion. Chateaubriand, dont vous avez déjà vu le nom dans la seconde partie de cette histoire, me dit en présence d'une infinité de gens qui étaient dans ma chambre « Nous ne saluerons plus les premiers, présentement. » Ce qu'il disait, parce que bien que je fusse très mal avec Monsieur le Prince et que je marchasse presque toujours fort accompagné, je le saluais, comme vous pouvez croire, partout où je le rencontrais, avec tout le respect qui lui était dû par tant de titres. Je lui répondis « Pardonnez-moi, monsieur, nous saluerons toujours les premiers et plus bas que jamais. » À Dieu ne plaise que le bonnet rouge me fasse tourner la tête au point de disputer le rang au prince du sang. Il suffit un gentilhomme d'avoir l'honneur d'être à leur côté. Cette parole qui a depuis, à mon sens, comme vous le verrez dans la suite, conservé en France le rang au chapeau par l'honnêteté de monsieur le prince et par son amitié pour moi, cette parole, dis-je, fit un fort bon effet et elle commença à diminuer l'envie, ce qui est le plus grand de tous les secrets. Je me servis encore pour cet effet d'un autre moyen. Messieurs les cardinaux de Richelieu et Mazarin, qui avaient confondu le ministériat dans la pourpre, avaient attaché à celle-ci de certaines hauteurs qui ne conviennent à l'autre que quand elles sont jointes ensemble. Il eût été difficile de les séparer en ma personne au poste où j'étais à Paris. Je le fis de moi-même, en y mettant des circonstances qui firent que l'on ne le pouvait attribuer qu'à ma modération. Et je déclarai ouvertement que je ne recevrais publiquement que les honneurs qui avaient toujours été rendus aux cardinaux de mon nom. Il n'y a que manière à la plupart des choses du monde. Je ne donnais la main à personne sans exception. Je n'accompagnais les maréchaux de France, les ducs et pairs, le chancelier, les princes étrangers, les princes bâtards, que jusqu'au haut de mon degré. Tout le monde fut très content. Le troisième expédient auquel je pensais fut de ne rien oublier de tout ce que la bienséance me pourrait permettre pour rappeler tous ceux qui s'étaient éloignés de moi dans les différentes partialités. Il ne se pouvait qu'ils ne fussent en bon nombre, parce que ma fortune avait été si variable et si agitée qu'une partie des gens avait appréhendé d'y être enveloppée en de certains temps et qu'une partie s'était opposée à mes intérêts en quelques autres. ajoutez à cela ceux qui avaient cru qu'ils pouvaient faire leur cour à mes dépens. Je vous ennuierais si j'entrais dans ce détail, et je me contenterai de vous dire que M. de Bercy vint chez moi à minuit, que je vis M. de Novion chez le père Don Carouge, chartreux, que je vis au Célestin M. le président Le Coigneux. Tout le monde fut ravi de se raccommoder avec moi, dans un moment où la mitre de Paris recevait un aussi grand éclat de la splendeur du bonnet. Je fus ravi de me raccommoder avec tout le monde, dans un instant où mes avances ne se pouvaient attribuer qu'à générosité. Je m'en trouvais très bien. Et la reconnaissance de quelques-uns de ceux auxquels j'avais épargné le dégoût du premier pas m'a payé plus que suffisamment de l'ingratitude de quelques autres. Je maintiens qu'il est autant de la politique que de l'honnêteté de ceux qui sont les plus puissants de soulager la honte des moins considérables et de leur tendre la main quand ils osent eux-mêmes la présenter. La conduite que je suivis, avec application, sur ces différents chefs que je viens de vous marquer, convenait en plus d'une manière à la résolution que j'avais faite de rentrer, autant qu'il serait en mon pouvoir, dans le repos que les grandes dignités que la fortune avait assemblées dans ma personne pouvaient, ce me semblait, même assez naturellement, me procurer. Je vous ai déjà dit que l'incorrigibilité, si j'ose ainsi parler, de monsieur m'avait rebuté un point que je ne pouvais plus seulement m'imaginer qu'il eût le moindre fondement du monde à faire sur lui. Voici un incident qui vous fera connaître que j'eusse été bien aveuglé si j'eusse été capable de compter sur la reine. Vous pouvez vous souvenir de ce que je vous ai dit, d'une imprudence de Mademoiselle de Chevreuse, à propos du personnage que je jouais de concert avec Madame sa mère, à l'égard de la reine. Elle en mit de part sa fille, contre mon sentiment, laquelle d'abord entendit très bien la raillerie. Et je me souviens même qu'elle prenait plaisir à me faire répéter la comédie de la Suissesse. C'est ainsi qu'elle l'appelait la reine. Il arriva un soir, qui ayant beaucoup de monde chez elle, quelqu'un montra une lettre qui venait de la cour et qui portait que la reine était fort embellie. La plupart des gens se prirent à rire, et je ne sais en vérité pourquoi je ne suis pas comme les autres. Mademoiselle de Chevreuse, qui était la personne du monde la plus capricieuse, le remarqua, et elle me dit qu'elle ne s'en étonnait pas, après ce qu'elle avait remarqué depuis quelque temps. Et ce qu'elle avait remarqué, s'imaginait-elle, était que j'avais beaucoup de refroidissement pour elle, et que j'avais même un commerce avec la cour dont je ne lui disais rien. Je crus d'abord qu'elle se moquait, parce qu'il n'y avait pas seulement ombre d'apparence à ce qu'elle me disait. Et je ne connus qu'elle parlait tout de bon, qu'après qu'elle m'eût dit qu'elle n'ignorait rien de ce qu'un tel valet de pied de la reine m'apportait tous les jours. Il est vrai qu'il y avait un valet de pied de la reine, qui depuis quelque temps venait très souvent chez moi, mais il est vrai aussi qu'il ne m'apportait rien, et qu'il n'y venait que parce qu'il était parent d'un de mes gens. Je ne sais par quel hasard elle sut cette fréquentation. Je sais encore moins ce qu'il a pu obliger à en tirer des conséquences. Enfin, elle les tira. Elle ne put s'empêcher de murmurer et de menacer. Elle dit, en présence de Séguin, qui avait été valet de chambre de Madame sa mère, et qui avait quelques charges chez le roi ou chez la reine, que je lui avais avoué mille fois que je ne concevais pas comme l'on pût être amoureux de cette Suissesse. Enfin, elle se fit si bien par ses journées que la reine eut vent que je l'avais traitée de Suissesse en parlant à Mademoiselle de Chevreuse. Elle ne me l'a jamais pardonné, comme vous verrez par la suite, et j'appris que ce mot obligeant était allé jusqu'à elle, justement 3 ou 4 jours avant que M. le prince arrivât à Paris. Vous concevez aisément que cette circonstance, qui ne marquait pas que j'eusse lieu d'espérer qu'il pût y avoir, à l'avenir, beaucoup de douceur pour moi à la cour, n'affaiblissait pas les pensées que j'avais déjà de sortir d'affaires. Le lieu de la retraite n'était pas trop affreux. L'ombre des tours de Notre-Dame y pouvait donner du rafraîchissement, et le chapeau de cardinal la défendait encore du mauvais vent. J'en concevais les avantages, et je vous avoue qu'il ne tint pas à moi de les prendre. Il ne plut pas à la fortune. Je reviens à ma narration.